l'auteur des « Mémoires d'un homme de qualité » revenait de Rouen par Évreux quand, parvenu à Passy, il aperçut un groupe de curieux devant une hôtellerie. Un spectacle étonnant leur arrachait des cris de compassion. Dans un convoi de misérables déportés, se distinguait une jeune fille d'une grande beauté. Un jeune noble l'avait suivie depuis Paris et, malgré les exigences des archers, se proposait de l'accompagner jusqu'à l'Amérique. Près de 2 ans plus tard, l'auteur rencontra à Calais ce jeune inconnu, plus pâle et plus abattu encore que la première fois. Il obtint de lui le récit de ses aventures qui commençait ainsi. J'avais 17 ans et j'achevais mes études de philosophie à Amiens où mes parents, qui sont d'une des meilleures maisons de paix, point de suspension, m'avaient envoyé. Je menais une vie si sage et si réglée que mes maîtres me proposaient pour l'examen du collège. Ma naissance, le succès de mes études et quelques agréments extérieurs m'avaient fait connaître et estimer de tous les honnêtes gens de la ville. Avant d'entrer dans l'armée, les jeunes gens passaient par l'académie, centre sportif où ils s'exerçaient notamment à l'équitation et à l'escrime. J'achevais mes examens avec une approbation si générale que M. l'évêque, qui assistait, me proposa d'entrer dans l'état ecclésiastique, où je ne manquerai pas, disait-il, de m'attirer plus de distinction que dans l'ordre de Malte, auquel mes parents me destinaient. Ils me faisaient déjà porter la croix, avec le nom de chevalier des Grieux. Les vacances arrivant, je me préparais à retourner chez mon père, qui m'avait promis de m'envoyer bientôt à l'académie. Mon seul regret, en quittant Amiens, était d'y laisser un ami avec lequel j'avais toujours été tendrement uni. Il était de quelques années plus âgé que moi. Nous avions été élevés ensemble, mais le bien de sa maison étant des plus médiocres, il était obligé de prendre l'état ecclésiastique et de demeurer à Amiens, après moi, pour y faire les études qui conviennent à cette profession. Il avait 1000 bonnes qualités. Vous le connaîtrez par les meilleures dans la suite de mon histoire. Si j'eusse alors suivi ses conseils, j'aurais toujours été sage et heureux. Si j'avais du moins profité de ses reproches, dans le précipice où mes passions m'ont entraîné, j'aurais sauvé quelque chose du naufrage de ma fortune et de ma réputation. »